au-delà du monde, que quelqu'un réponde. Martyrs et guerrières, violence ordinaire, palais d'allégeance, marché d'indulgence. Parmi tant de voix, le silence est roi. Silence la mer, des nuits d'un désert, nos cris, nos combats, qui les entendra? Le monde est sourd, comme Beethoven, sourd à l'amour, hurlant sa haine. Chacun pour soi, et Dieu quand même. Chef-d'œuvre en poussière, splendeur et misère, fragile et immense, orgueil, impuissance, mensonge et mystère, vengeance et colère, dans la nuit des temps, personne ne s'entend. Le monde est sourd, comme Beethoven, sourd à l'amour, hurlant sa haine. De Valkyrie en Wagnerienne, tant de génie et Dieu. En chantant harmonie contre temps, le monde est un infini poème. Le monde est sourd comme Beethoven, sourd à l'amour, hurlant sa haine. Et Dieu quand même. Le monde est sourd comme Beethoven.